Dans les dîners entre amis, il y a toujours des filles jolies. Des gars qui racontent des histoires, s'endorment sans s'en apercevoir. Je me suis rendu à cette soirée, accompagné de ma fiancée. Et comme au Club Med en été, il y avait des filles très apprêtées. Dès le début de l'apéro, elle est venue me frotter le dos. Vêtue d'un chemisier décolleté, d'une jupe et de bottes à lacets. Les filles, quand ça a une idée, peu importe que vous soyez maqués, ça vous regarde droit dans les yeux, prête à vous sortir le grand jeu. Elle a mis sa main sur mes genoux, sous la table, un été au mois d'août, tout en continuant de discuter, l'air de rien, avec ma fiancée. Après 3 heures bien attablées, on a vu arriver dans l'allée un type genre star américaine, avec des sandjacks et des chaînes. Croyez-vous que ça aurait changé l'attitude de la belle Alizée? Elle m'a murmuré à l'oreille: je crois que tu vas me raccompagner. Elle a mis sa main sur mes genoux, sous la table, un été au mois d'août, tout en continuant de discuter, l'air de rien, avec ma fiancée. Oh, oh, quelle soirée! Je les regarde dans les yeux, je crois me souvenir qu'ils sont bleus. Je lui ai dit: tu es très jolie, mais tu vois, y'a comme un souci. J'aime bien les filles entreprenantes, ça évite bien des tourmentes, mais je veux pas finir, oh non, pas finir, pas finir comme lui dans l'allée. Oh non, pas finir, oh non, pas finir, pas finir comme lui dans l'allée. Elle a mis sa main sur mes genoux, sous la table, un été au mois d'août, tout en continuant de discuter, l'air de rien, avec ma fiancée. Oh. Elle a mis sa main sur mes genoux, sous la table, un été au mois d'août, tout en continuant de discuter, l'air de rien, avec ma fiancée. Quelle soirée!